Trois petits tours et puis s'en va. Avec les hectolitres d'alcool avalés au cours des derniers jours, Faustine s'attendait à un retour de bâton sévère. Or, elle ne subit pas l'ombre d'une petite gueule de bois. Cela résulte sans doute des deux pilules imposées par le médecin de la clinique. Son sevrage pour l'instant semble passer à merveille, y compris celui des médicaments, benzodiazépines, anxiolytiques et autres poisons addictifs prescrits. L'esprit clair, la patiente réussit à écouter sa compagne de chambre lui raconter dans le détail tous les sévices sexuels infligés par son mari pendant de nombreuses années. La nouvelle ne se sent pas concernée. Est-elle donc si atteinte que cela? Parfois, quand elle considère les histoires des autres pendant les groupes de parole, Faustine en doute. Est-ce parce qu'il s'agit de son parcours et qu'elle y est habituée? Elle ne se sent pas à sa place ici. Elle est une usurpatrice. Sa vie n'a aucun intérêt, malgré les épreuves traversées, comparées à celles des autres. Mais beaucoup la plaignent et pensent que le drame qu'elle a vécu justifie son alcoolisme. Or, elle sait pertinemment qu'elle buvait bien avant cela. Faustine, ayant compris que son salut passera par une honnêteté inflexible vis-à-vis des autres autant que d'elle-même, refuse que Julien lui serve d'alibi. Les entretiens et les groupes de parole lui font énormément de bien. Elle en apprend chaque jour plus sur cette maladie de l'alcoolisme. Par exemple, que la lune de miel avec l'alcool, cette période durant laquelle le corps physique ne réclame pas encore son dû, dure plus ou moins longtemps, éventuellement une dizaine d'années, avant que la dépendance s'installe. Apparemment, son problème à elle était moins de maintenir un certain confort éthylique en permanence que de savoir s'arrêter après le premier verre. Elle buvait sur pulsion pour se venger, se jeter à corps perdu dans l'oubli. Si elle était piégée, c'était par ses émotions, pas par le besoin somatique de boire. Faustine comprend qu'elle est atteinte d'une maladie létale. Cela signifie qu'à partir du moment où elle a décidé de vivre, il n'est plus question de boire une goutte d'alcool, jamais. Mais pour faire passer la pilule, les initiateurs de ce type de cure ont inventé un truc génial. N'avancer que 24 heures à la fois sur le chemin de la guérison. Gagner une heure, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que ce fichu poison soit sorti du système. La clinique affiche 56% de réussite. Allons, ce ne doit pas être si difficile d'en faire partie. Les thérapeutes ont une bonne écoute. Ils donnent envie de se confier. Les autres patients sont sympathiques. On voit qu'ils ont dégusté. Ils le portent sur eux. Que d'épreuves traversées. La vie de Faustine, en comparaison, ressemble à des vacances de petite fille riche. Mais voilà, trop vite, on lui fait comprendre qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Actuellement, à la métairie, il y a une vingtaine de personnes concernées par les addictions, divisées en deux groupes. Une fois par semaine, les deux groupes se retrouvent dans le gymnase lors d'une séance d'information. Faustine s'y rend à reculons le mercredi suivant. La séance du matin n'a pas été très bénéfique, la même patiente ayant à nouveau monopolisé toute l'attention. Faustine arrive dans la salle encore un peu énervée. Elle sort son bloc et son stylo et s'assied à côté d'un grand blond, la seule place libre. Il dit s'appeler Gilles. À la longueur de ses jambes, il doit bien mesurer 2 mètres. C'est marrant parce qu'il a une tête relativement petite et un nez retroussé. Il ressemble à Tintin. Dans l'ensemble, il n'est pas moche. Surtout, il a l'air très gentil. Un jeune bourgeois bien élevé lui a avancé sa chaise et fait de la place. Malgré tout, Faustine peine à se mettre dans l'ambiance. Elle remplit sa page de mots de cambronne, ce que son voisin, bon chic, bon genre, semble trouver absurde. Mais l'heure n'est pas aux confidences. Le thérapeute de service commence son discours. À la pause, on se retrouve dehors pour fumer une cigarette. Gilles et Faustine font plus ample connaissance. Il est fils de commerçant. Ce n'est pas sa première cure, mais cette fois, il est bien décidé à ce qu'elle aboutisse. Heureusement, pour ceux qui ont une assurance maladie, le traitement est remboursé intégralement en tant que dépression nerveuse. Dans les jours qui suivent, Faustine commence à se sentir frustrée. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle aime bien la sophrologie. Mais l'exaltation de la responsable, qui, tout comme la plupart du personnel soignant, est une ancienne alcoolique, lui gâche un peu le plaisir. Elle n'y trouve pas d'intérêt. Surtout, elle se sent tout à fait sevrée, sans aucune séquelle et en pleine forme. Pour elle, c'est ok, elle est guérie. Par ailleurs, cette histoire d'assurance tourne à l'obsession. Les 1 000 francs cumulés chaque jour au compteur lui semblent tout droit sortis de ses veines. Se soigner, d'accord, mais consacrer la totalité de sa petite fortune, c'est la double peine. Cet argent devait servir à se faire plaisir ou à être investi en vue d'assurer son avenir. Pour couronner le tout, elle n'a encore reçu aucune réponse de ses amis américains. Et le bâton sans la carotte, c'est pas du jeu. Faustine patiente autant qu'elle peut, prend sur elle pendant 8 jours. Finalement, un soir, elle appelle maman. « Salut, je vais rentrer, j'en ai marre. »« Pas question, tu n'as pas fini ta cure. » »« J'ai pas l'intention de laisser jusqu'à mes derniers sous. » »« Mais c'est pour ton avenir. » « C'est bon, tu sais, j'ai compris le principal. Je continuerai ma cure dans les groupes AA et je me ferai des amis là-bas. »« C'est complètement idiot, tu n'as pas assez réfléchi. »« Si, si, j'ai eu tout le temps de réfléchir. Je sais que je vais réussir. Simplement, j'y parviendrai autrement qu'en passant 8 semaines ici. Après tout, beaucoup s'en sont sortis sans passer par une clinique de luxe. Beaucoup sont morts aussi d'avoir raté le coche. Peut-être, mais ça ne sera pas mon cas. » J'ai décidé de m'engager au CICR. Je vais leur écrire tout de suite, et c'est bien le diable si je n'y trouve pas de travail. Tu es sûre de toi? Je trouve que tu vas beaucoup trop vite. Je suis majeure et personne n'a le droit de me retenir contre mon gré. Demain, je vois la directrice et après-demain, je rentre. Oh, après tout, fais à ta guise. Mais ne compte pas sur moi pour te repêcher si tu te noies à nouveau. Je t'ai fait suivre un courrier. Attends au moins de l'avoir reçu. Le lendemain matin, Faustine prend rendez-vous avec Anne, la directrice. En moins d'une heure, au terme d'une joute passionnée, la jeune femme réussit à obtenir sa libération contre l'avis de la thérapeute. Cette dernière est persuadée qu'elle court à l'échec et cumule les mises en garde. Faustine, au courant du fait qu'Anne est d'origine américaine, ne comprend pas son manque de confiance dans les groupes alcooliques anonymes. Quoi qu'il en soit, elle est libre de s'en aller après avoir signé une décharge et payé son dû. 10 000 francs suisses pour 10 jours. À elle d'en faire valoir les résultats, de démontrer qu'elle n'a pas perdu son temps, de prouver qu'on peut lui faire confiance. Faustine rassemble ses affaires et commande un taxi pour la gare. On lui a demandé de ne pas transmettre ses adieux aux autres afin que sa désertion ne s'ébruite pas. Elle a néanmoins échangé ses coordonnées avec Gilles. Elle lui écrira. Alors qu'elle monte dans le taxi, la secrétaire lui apporte en courant un courrier qui vient d'arriver. Une fois installée, Faustine ouvre l'enveloppe en tremblant un peu. Et si c'était autant de rejets? Et si ses amis bien conditionnés par Maxime ne voulaient plus la voir? Elle sait que les Américains, surtout de ce milieu-là, sont contre le divorce. Surprise! Toutes les réponses sont positives. Ses amis se réjouissent de la recevoir. Ils l'attendent de pied ferme. À la maison, par contre, l'accueil est plutôt frais. Maman entreprend immédiatement de la faire changer d'avis. Son argument majeur étant que la cure n'a pas été suffisamment longue pour prouver son efficacité. Elle ne parvient pas à comprendre que la perspective de ce voyage est un catalyseur pour la guérison de Faustine. À son retour en Suisse, elle saura bien utiliser tous les moyens, gratuits, mis à sa disposition, à commencer par un investissement sérieux dans les groupes. Pour Faustine, investir tout l'argent de son divorce, de ses souffrances, de ses frustrations, dans une cure, pour n'avoir plus ensuite comme perspective que le droit de bosser et fréquenter les groupes, est impensable. Cela équivaudrait à prendre le voile. Ce n'est pas son genre. Non, ce qu'il lui faut, c'est quelque chose qui la motive. Faustine sait qu'elle réussira. On peut appeler cela de l'arrogance. On peut aussi essayer de lui faire confiance, pour une fois. N'en déplaise à maman, la jeune femme réserve de nouveau un billet d'avion ainsi qu'une voiture à l'aéroport de Dulles. Elle complète sa garde-robe, achète 100 kilos de pralinés chez le meilleur chocolatier de la ville, une bouteille de parfum français pour chacune de ses amies et un coucou suisse, cadeau de mariage pour Laurie, sa meilleure amie américaine. Ne reste plus qu'à boucler son bagage si elle y arrive et rejoindre l'aéroport de Genève Cointrin. Ladies and gentlemen, we are ready for departure. Please be seated and fasten your seatbelts.